Collège de France, les cours sont libres, c'est-à-dire que viennent les écouter les gens qui veulent, n'importe qui. De sorte que, finalement, quel est celui qui est examiné? Quel est celui qui est sous le pouvoir de l'autre? Moi, je dirais qu'au Collège de France, c'est celui qui enseigne. Les cours du Collège de France par Meryl Meneghetti. Il me semblait que une chaire au Collège de France avait pour vocation au naturel, non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Qu'est-ce qui se joue entre les Français, les Britanniques et les Américains au moment de l'indépendance de la Syrie et du Liban ? Comment les débuts de la guerre froide ont-ils émergé en Iran et en Turquie après 1945, s'interroge l'historien Henri Laurence. Si le temps où les blindés britanniques pouvaient menacer le palais royal égyptien ou déposer le Shah d'Iran est révolu, comment l'héritage des ingérences britanniques permanentes pèse-t-il après 1945 ? Henri Laurence, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Histoire contemporaine du monde arabe, nous entraîne dans un vaste récit-analyse autour de l'hégémonie britannique entre 1926 et 1956, dans le cadre de sa série pluriannuelle consacrée aux crises d'Orient. Nous voici à la fin de la guerre, aux côtés des Britanniques et des Français. Les États-Unis sont devenus une puissance de poids au Moyen-Orient, tandis que l'URSS tente d'avancer ses pions. Comment de Gaulle compte-t-il transformer le désastre syrien au moment de l'indépendance de la Syrie et du Liban en coopération des grandes puissances gérant l'ensemble des affaires au Moyen-Orient? Pourquoi les Anglo-Saxons sont-ils contre l'idée de rétablir un concert des puissances qui permettrait à l'Union soviétique d'avoir une place au Moyen-Orient? Comment la rancœur des tensions franco-britanniques au Levant va-t-elle durer au moins jusqu'à la crise de Suez de 1956? Si la situation en Syrie et au Liban avait une nette importance, c'était aussi comme précédent pour l'évacuation des troupes étrangères d'Iran, qui se trouvaient occupées par les forces britanniques et soviétiques depuis 1941, mais aussi avec une forte présence américaine. Alors comment la double occupation britannique et soviétique en Iran peut-elle être interprétée comme la résurgence du grand jeu d'avant 1914 ? Quel rôle joue la question des concessions pétrolières iraniennes dans les tensions entre anglo-saxons et soviétiques? Comment, à la suite de la capitulation allemande, le gouvernement iranien a-t-il demandé le 18 mai 1945 le retrait des troupes étrangères dans les 6 mois, dans le contexte de la naissance des arbitrages de l'ONU? Et nous gagnons le Collège de France le 19 décembre 2018 pour le cours d'Henri Laurence intitulé « Les crises d'Orient, l'hégémonie britannique 1926-1956 », aujourd'hui l'indépendance de la Syrie et du Liban et la crise iranienne de 1945. La dernière fois, je vous avais laissé en pleine fin de la Seconde Guerre mondiale, donc dans l'ignorance de savoir qui allait la gagner, même si au début de 1945 on n'avait plus guère de doute en réalité. Donc, je vous avais parlé de la fameuse entrevue de Quincy entre Roosevelt et Ben Saoud, en disant que ça avait été surtout un bavardage en dehors de la question de Palestine, et qu'il y avait un mythe que vous retrouvez dans tous les médias sur le pacte de Quincy. Ça fait partie de ce que d'aucuns appellent une légende urbaine, même si c'est parfois difficile à traduire en arabe. À son retour d'Égypte, Roosevelt avait déclaré qu'il avait compris mieux le dossier, ce que tout le monde avait traduit par le fait qu'il avait découvert que les Arabes ne voulaient pas que les Juifs soient en Palestine, ce qui était connu de tout le monde. Néanmoins, dans les dernières semaines de sa vie, Roosevelt a essayé de travailler un peu sur le dossier de Palestine. Alors, de ce qui ressort de ces papiers, c'est qu'il envisageait la mise sous tutelle, trusteeship, de la Palestine avec participation des autorités des trois grandes religions monothéistes. À la fois, c'était pour lui une façon de régler la question de Palestine, et d'autre part, ça devait servir de banc d'essai à son idée de trusteeship, puisqu'en réalité, Roosevelt envisageait de mettre toutes les colonies européennes sous tutelle. En tout cas, le début de 1945 est surtout marqué par la conférence de San Francisco, qui est réunie pour préparer, établir l'Organisation des Nations Unies, qui doit remplacer la SDN, juridiquement existant encore jusqu'en 1946. La question est que pour accéder, être invité à San Francisco, il faut avoir déclaré la guerre à l'Allemagne. Et donc, ça pose des problèmes à certains régimes arabes. En Égypte, le président du Conseil, Ahmad Maher, annonce qu'il va déclarer la guerre et il est assassiné le 24 février 1945 pour avoir cédé aux occupants. Et il est remplacé par Nokrashi Pacha, dont on aura l'occasion de largement de reparler cette année et l'année prochaine. Et l'Égypte entre en guerre le 27 février 1945. En tout, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, le Liban, la Syrie, l'Irak, l'Iran et la Turquie sont parmi les membres fondateurs des Nations Unies, ce qui change complètement par rapport à la création de la SDN en 1919. Et sur le plan strictement juridique, je vous avais dit qu'on ne savait pas à quelle date se terminait le mandat français, mais pour les juristes français, le fait que la Syrie et le Liban soient à San Francisco, donc soit membre fondateur des Nations Unies, marque la fin du mandat. Tout simplement parce qu'on ne peut pas être à la fois soumis à une puissance mandataire et être l'autorité qui donne le mandat. Juridiquement, ce serait en mars 1945 que le mandat français se terminerait. Mais en fait, les affaires sont un peu plus compliquées. Le 22 mars 1945, c'est la signature du pacte de la Ligue arabe par les 6 États fondateurs. Et l'Égyptien Abdelrahman Razam, vétéran de la lutte anti-impérialiste, est désigné comme secrétaire général de la Ligue. Mais très rapidement, la Ligue des États arabes va se montrer ce qu'elle est pratiquement tout le temps, un instrument de la politique égyptienne, plus qu'une institution gérant tous les intérêts arabes. En tout cas, le 8 et le 9 mai, 45, c'est le V-Day, le jour de la victoire. Alors, ce qui intéresse les gens à ce moment-là, c'est pas tellement la victoire en Europe. On savait qu'elle allait arriver. En début mai, c'était la fin de la bataille de Berlin et tout, donc l'affaire était réglée. Ce qui intéressait les contemporains au Proche-Orient, c'était la question syrienne. Alors, de Gaulle, devenu président du CFLN, du Comité français de libération nationale à Alger, puis du gouvernement provisoire de la République française, le GPRF, était évidemment l'homme fort de la France libérée. Et donc, à Londres, Anthony Eden et le Foreign Office pensaient qu'il fallait travailler avec de Gaulle, parce que de toute façon, la France allait être rétablie progressivement à son rang de puissance. Et donc, il valait mieux entretenir un véritable partenariat. Mais la question est toujours la question de Spears à Beyrouth, qui a une entrave sérieuse dans les relations franco-britanniques. Et Churchill, tout en envoyant des conseils de modération, refuse toujours de rappeler Spears. Alors que la position officielle de Londres est nettement distincte de celle de Spears, puisque pour Londres, la Syrie et le Liban sont des États indépendants, puisque de toute façon, ils étaient à San Francisco. Mais la France doit y conserver sa prééminence. Toute la question tourne sur le sens à donner au mot prééminence. Alors, de Gaulle avait dû se résigner en 1943 à accepter les décisions de Quatrou, mais il ne les avait pas approuvé. En janvier 1944, il avait désigné le général Paul Benet comme délégué général et plénipotentiaire au Levant. C'est un homme de l'armée coloniale, autoritaire et peu politique, et surtout prêt à suivre au pied de la lettre les instructions du général de Gaulle, dont il avait été jadis le supérieur au Levant. Si les institutions civiles sont progressivement transmises aux États du Levant, Il reste la question des troupes spéciales du Levant et de la gendarmerie. Or, la gendarmerie est indispensable pour contrôler les régions périphériques syriennes, c'est-à-dire les Druzes, les Alaouites et la vallée de l'Euphrate, la Gézirée. Et la gendarmerie a été transmise au gouvernement de Damas et de Beyrouth, mais l'armement est désuet et inefficace. Et Spears s'occupe de faire livrer discrètement de l'armement moderne à la gendarmerie en court-circuitant les Français, ce qui a provoqué une nouvelle crise durant l'été 44 entre les autorités françaises et la délégation britannique. À l'automne 44, la République française est maintenant dans ses meubles à Paris. Mais les nationalistes syriens et libanais refusent tout projet de traité exigeant une indépendance complète. Ils ne veulent pas voir se renouveler l'expérience amère des traités de 1936. En Syrie même, les nationalistes veulent aussi mettre fin à la tutelle française sur les systèmes d'enseignement, c'est-à-dire se lancer dans une politique d'arabisation systématique de l'enseignement en Syrie, c'est-à-dire mettre fin à l'enseignement francophone dans le pays. Alors, dans tout ça, les représentants français voient dans toutes ces manifestations les marques de complot anglais, puisque je vous rappelle qu'avant d'être une maladie du Moyen-Orient, la complotite est d'abord une maladie coloniale que probablement les coloniaux ont laissée en partant au gouvernement et au pouvoir qui leur ont succédé. Et en particulier, en façon générale, pendant un siècle, si vous êtes dans les archives anglaises, c'est rempli d'intrigues françaises. Et si vous êtes dans les archives françaises, c'est rempli de complots britanniques. Et donc, le tort de certains historiens, c'est de prendre à pied de la lettre ces successions de complots. Alors, les rapports entre les autorités françaises et les gouvernements libanais et surtout syriens sont exécrables, d'autant plus que les Syriens soupçonnent les Français de vouloir soutenir une activité autonomiste chez les Druzes et chez les Alaouites, ce en quoi ils n'ont pas tort, puisqu'on sait par certaines sources que les officiers de renseignement encourageaient l'autonomisme chez les Alaouites en 1945. Mais ça n'a pas été vraiment étudié, parce que la plupart des officiers de renseignement avaient rejoint Vichy en 41. Donc ce sont de nouveaux officiers de renseignement qui sont arrivés avec la France libre. Et ce groupe-là n'a pas été étudié jusqu'ici. Donc je n'ai pas d'idée particulière, sauf qu'ils ont reconnu qu'ils faisaient de l'activité autonomiste en sous-main contre le gouvernement de Damas. Alors Spears reçoit les instructions de dire aux Syriens qu'il faut qu'ils fassent le traité avec les Français, mais les Syriens répondent encore une trahison britannique, comme en 1919-1920. Finalement, excédé, Churchill rappelle Spears en décembre 44, sous prétexte de préparer les élections, puisque il va avoir, dès la fin de la guerre en Europe, il y aura des élections en Grande-Bretagne, et que Spears est membre du Parlement. Donc, on lui demande d'aller préparer sa campagne électorale. Donc, dans les quelques mois qui va passer à la Chambre des communes, l'ancien député, honorable député de Paris, est devenu depuis l'honorable député de Beyrouth et de Damas dans les plaisanteries de la Chambre des communes britannique. Alors, en cette fin d'année 44, la politique britannique paraît particulièrement incohérente. Elle soutient en apparence le sionisme, l'unité arabe et le maintien d'une certaine présence française au Levant. Cette incohérence repose sur la contradiction entre le système politique moyen-oriental, qui pousse pour le moins à ne pas s'opposer au mouvement unitaire arabe, qui a pris la dimension d'une coopération d'État, et en même temps la nécessité pour Londres de ne pas s'opposer aux États-Unis sur le dossier de la Palestine, et à la France sur celle du Levant. Donc c'est en général pour une grande puissance le piège habituel du Moyen-Orient, c'est que les engagements locaux sont contradictoires avec les engagements internationaux. Et donc, il faut un moment ou un autre arriver à un arbitrage entre l'un et l'autre. Alors, De Gaulle a la conviction que le seul moyen d'imposer les traités et d'envoyer des renforts en Syrie dès que les circonstances le permettront, alors que les Britanniques ont prévenu depuis longtemps les Français que ce serait une provocation inacceptable pour les Syriens et les Libanais. Et ils ont averti les Français qu'en cas d'arrivée de troubles, c'est eux qui prendraient le contrôle du maintien de l'ordre. Alors l'escalade commence en début 45. Benet organise des démonstrations de force de l'armée française et le gouvernement syrien augmente le nombre et l'armement des gendarmes et il n'y a pratiquement plus de dialogue politique. En mars 45, Benet demande à Paris des renforts puisqu'on sait que maintenant la guerre en Europe se termine. Et en dépit des avertissements britanniques, de Gaulle ne veut voir dans la fermeté libano-syrienne que le produit des intrigues britanniques. Il donne l'ordre d'envoyer de Bizerte à Beyrouth 800 tirailleurs sénégalais sous prétexte de relève des effectifs. Or, les tirailleurs sénégalais sont particulièrement haïs en Syrie du fait de leur usage brutal dans les différentes répressions depuis les années 20. C'est les Sénégalais qui étaient en première ligne. Et donc, les Syriens haïssent ces troupes coloniales françaises. Le 18 mai, les nouvelles troupes débarquent à Beyrouth, ce qui provoque immédiatement des émeutes un peu partout en Syrie. À ce moment-là, la France ne dispose au Levant que de 5000 soldats coloniaux et les troupes spéciales du Levant, c'est-à-dire les troupes locales, dont la loyauté est indécise, alors que les Britanniques disposent de plusieurs dizaines de milliers de soldats dans la région. À partir du 20 mai 45, l'insurrection syrienne commence. Les Français sont de plus en plus isolés, alors que les pays arabes se solidarisent avec les Syriens. On enregistre de nombreux morts des deux côtés. Le gouvernement syrien exige le retrait des troupes françaises de Syrie. Le commandant des troupes françaises à Damas prend la décision de bombarder la capitale syrienne pour en prendre le contrôle. Alors, il semble que de Gaulle, contre l'avis de ses ministres et de ses conseillers, lui ait donné l'ordre d'agir avec fermeté. C'est pour lui une affaire personnelle qui ne prend pas en compte la réalité des rapports de force. Le problème, c'est qu'à l'époque, tout le système de chiffrage des communications passe par la présidence du Conseil et le Quai d'Orsay n'est donc pas informé des échanges directs entre le général de Gaulle et le général Benet. Et on a conservé dans les archives, jusqu'à maintenant pour l'instant, que les réponses de Benet, mais pas les instructions envoyées par de Gaulle, à moins qu'on ait découvert des documents depuis. Alors, le 28 mai, au soir, les soldats français s'en prennent au Parlement syrien défendu par les gendarmes. Appuyés par des bombardements, ils tentent de prendre le contrôle des bâtiments publics les plus importants. La gendarmerie libanaise se bat durement, mais les Français semblent emportés dans la capitale, alors qu'ils sont de plus en plus isolés dans la province. Les protestations internationales se multiplient, et finalement, le gouvernement britannique décide d'intervenir. Il n'est pas possible de tolérer un foyer de violence au Proche-Orient, au moment où la fin de la guerre en Europe rend la stabilité du Moyen-Orient vitale, puisque il faut bien comprendre qu'en fin mai 45, les décideurs ne pensent pas à la bombe atomique. Et donc, après le 8 mai, le grand mouvement qui doit être lancé, c'est le transfert des armées qui se battent en Europe vers le front du Pacifique. Et la voie la plus courte, c'est passer par le Moyen-Orient. Et donc, la logistique américaine prévoit donc le passage de millions de soldats américains par le Moyen-Orient pour rejoindre le combat sur le Pacifique avec l'invasion prochaine du Japon. Bon, ça s'est pas passé comme ça, mais à l'époque, c'était ce qui pouvait paraître le plus raisonnable. Donc, le 31 mai, Londres adresse un ultimatum à Paris exigeant la fin immédiate des hostilités. Dans la nuit, les Français donnent l'ordre de cesser le feu, tandis que le désordre est à son comble avec des pillages menés par les troupes françaises à Damas. Même s'ils contrôlent la ville, ils ont maintenant en face d'eux les troupes britanniques bien plus nombreuses et dont la première action est de protéger le gouvernement syrien. Les Britanniques exigent que les Français se replient dans leurs casernes et les Britanniques livrent de nouveaux armements aux Syriens. Les chiffres officiels donnent aux troupes françaises 34 tués et 30 blessés, aux troupes spéciales 27 tués et 31 blessés. Le nombre de morts syriens serait de l'ordre de 2000 dans les événements de mai-juin 1945. Les dégâts matériels sont considérables. Le 2 juin, un accord est conclu entre le président syrien et le représentant britannique exigeant le départ des troupes françaises qui sont maintenant pratiquement enfermées dans leur cantonnement. Les manifestations anti-françaises se déchaînent dans tout le pays et les civils français doivent abandonner leurs biens pour se réfugier dans les casernes tenues par les militaires français. La protection accordée par les soldats britanniques ne va pas jusqu'à interdire un certain nombre d'humiliations. Les victimes de ces traitements y voient une nouvelle preuve de la duplicité britannique. Alors, il faut reconnaître quand même quelque chose à De Gaulle, même s'il peut faire des erreurs stratégiques. Il s'en sort toujours par la puissance de son verbe. Et c'est la magnifique conférence de presse de De Gaulle du 2 juin 1945 qui est, à mon avis, un des grands sommets de l'art oratoire du général. Alors, il tente une sortie par le haut de la crise en disant « L'affaire a pour origine immédiate des incidents qui se sont produits en Syrie. La Syrie est une vieille chose. C'est une entité antique, aussi respectable, aussi vieille que le monde et dont on entend parler depuis l'aurore des temps historiques. » Il n'y a que lui qui pouvait parler comme ça. « Dans l'Orient, dont fait partie la Syrie, on se trouve en présence d'un ensemble de populations généralement arabes qui, avec le caractère très généreux, très remur, très mobile de leur population, ont toujours constitué pour le monde un problème particulièrement délicat. Dans cet Orient, la France, en raison de ses influences intellectuelles, spirituelles, morales, en raison aussi de ses affinités particulières avec le monde arabe, la France a joué depuis des siècles un rôle éminent. L'Angleterre, de son côté, en général, pour d'autres raisons plus spécialement commerciales et navales, la dégradation, a eu également dans ces pays d'Orient un rôle considérable qu'elle a toujours voulu jouer. Alors on voit combien le vocabulaire du général est à ce moment-là complètement un vocabulaire du XIXe siècle, puisqu'il évoque la question franco-britannique d'Orient et il fait l'historique des événements depuis l'accord Sykes-Picot. La France a eu comme directive de sa politique, sans les avoir, croyez-moi, jamais changés, de mener la Syrie et le Liban, qui étaient sous son mandat, à un régime d'indépendance au plus grand développement économique possible et aux meilleures relations possibles avec tous les pays de la Méditerranée et de l'Europe. Je ne vous dirai pas que la tâche fut facile, elle ne l'était, elle ne l'est toujours pas. Et cela pour deux raisons. La première est une raison locale. Il est de fait que ces pays, la Syrie et le Liban, sont très compliqués. La Syrie surtout au point de vue de leur entité nationale. Et là, on a une phrase gaulienne magnifique. Il y a une entité égyptienne qui est formée par le Nil. L'Égypte est une rue et cette rue s'appelle le Nil. Elle a une unité géographique et par conséquent politique naturelle. Il y a une entité qui s'appelle la Palestine. Il est très difficile de réaliser une entité géographique et politique qui s'appelle la Syrie. La Syrie est un ensemble de régions très distinctes les unes des autres, peuplées de populations extrêmement différentes et pratiquant des religions diverses. D'où la difficulté particulière de conduire la Syrie jusqu'à devenir un État fonctionnant et se développant normalement. Ensuite, il aborde le rôle de la Grande-Bretagne. L'autre sorte de difficulté, je ne la cache pas, et même si je voulais la cacher, on la découvrirait très vite, procède de l'attitude britannique. Les Britanniques ont souvent dit, et peut-être cru, qu'ils voulaient laisser la France conduire sa barque là où elle devait la conduire, en Syrie ou au Liban, de la manière qu'elle jugerait la meilleure. L'Angleterre a dit, et peut-être cru cela, malheureusement, il n'est que trop vrai qu'elle ne l'a pas fait. Alors, il donne sa version des événements récents et ensuite, il revient à une version modernisée du concert européen du XIXe siècle. Mais il devient nécessaire de traiter la question dans son ensemble, c'est-à-dire sur le plan de tout l'Orient. Du reste, nos alliés britanniques ont toujours invoqué, pour justifier leur action en Syrie et au Liban, la nécessité où ils étaient de se préoccuper des répercussions sur d'autres pays arabes. Inversement, ce qui se produit ou se produirait dans d'autres pays arabes, comme la Palestine, l'Irak, l'Égypte, même, intéresse évidemment la France. Il n'est pas certain que ça n'intéresse que l'Angleterre et la France. Vous savez que les États-Unis ont fait connaître leur position dans cette affaire en conseillant que l'ordre soit rétabli, et nous venons de lire un communiqué officiel du gouvernement soviétique qui indique que lui-même se préoccupe de ce qui se passe dans cette région du monde. Telle est donc la situation. Je crois bien qu'il pourrait sembler indiquer que la solution de cette affaire, qui ne peut plus être désormais, et non certes de notre fait, une solution franco-britannique, passe au plan de la coopération internationale. Pour sa part, la France n'y voit aucun inconvénient. Il y aurait alors beaucoup d'intéressés, les grandes puissances, les États arabes, d'autres encore, et là, vraiment, vous calmez au XIXe siècle, la question d'Orient pourrait être aussi traitée d'une manière normale, et je l'espère pacifique, sur la base de la coopération internationale, où l'aurait poussé les empiètements regrettables de la rivalité. Je ne sais pas quelle solution sera finalement adoptée par les puissances que cela concerne, mais voici la position que la France est prête à prendre à ce point de vue, négocier avec tous ceux que cela concerne, et si possible en commun, sous l'angle de la coopération internationale. Peut-être sera-ce le premier domaine sur lequel une véritable coopération internationale, telle qu'on essaie de l'établir actuellement à San Francisco, puisse enfin se manifester. Alors, si on fait l'exégèse de ce texte, on trouve là l'idée essentielle de la politique gaullienne après 1967. Car à partir de 1967, le général voudra internationaliser la crise du Moyen-Orient provoquée par la guerre dite des séjours et proposera une concertation des grandes puissances pour mettre fin au conflit israélo-arabe. Et donc on voit que cette idée est déjà en germe chez lui en 1945. Alors l'affaire syrienne va laisser une profonde amertume, d'abord chez le général, mais aussi dans les différents départements de l'administration française. Pour longtemps, on se méfiera des vues opposées de la perfide Albion au Proche-Orient, et éventuellement, on fera tout pour les saboter. Plutôt que reconnaître la somme des maladresses et des erreurs commises, la responsabilité des événements est attribuée à une série de complots britanniques. Alors en Syrie, les positions françaises sont balayées. En juillet 1945, des accords sont conclus pour le transfert des derniers services contrôlés par les Français, ainsi que le transfert des troupes spéciales du Levant. Il ne reste plus que 1500 soldats français casernés en Syrie, avec pratiquement interdiction de se déplacer, et 6000 au Liban, où ils vivent une vie plus normale. Pour amadouer les Français, les Britanniques proposent un retrait simultané des troupes françaises et britanniques, d'abord de Syrie, puis du Liban. Mais De Gaulle s'accroche toujours à son idée de coopération globale. Donc il dit, ah non, il ne s'agit pas que les Britanniques se retirent de la Syrie comme nous. Si nous nous retirons de la Syrie, vous devez vous retirer de la Palestine. Ce qui est évidemment absolument insupportable pour les Britanniques. Mais en juillet 1945, visiblement, De Gaulle n'a pas encore compris l'importance du changement de gouvernement en Angleterre, puisque c'est l'arrivée de pouvoir des travaillistes le 28 juillet 1945 avec Clement Attlee, le nouveau Premier ministre britannique. Vous connaissez le célèbre bon mot de Churchill. Un taxi vide arrive devant 10 Downing Street, Clement Attlee en sort. Donc, ce gouvernement travailliste doit prendre en compte toutes les contradictions qui est celle de l'après-guerre, c'est-à-dire à la fois l'Angleterre va se lancer dans un ambitieux projet de réforme économique et sociale qui vont donner naissance au welfare state, à l'État-providence, mais de l'autre côté, l'Angleterre se dote toujours d'une mission impériale. Et donc la question est de savoir si on peut à la fois, après les dévastations de la guerre, créer l'État-providence et maintenir l'Empire. C'est évidemment tout le contexte de la politique travailliste de 1945 à 1951. Car on a les deux termes. La Grande-Bretagne a gagné la guerre en s'appuyant sur son empire. Elle a joué un rôle essentiel dans la défaite de l'Allemagne et du Japon grâce à l'empire. Mais l'économie britannique est en lambeaux en 1945. Comme dans le reste de l'Europe, les pénuries et les rationnements vont durer jusqu'à la fin des années 40, faisant par contraste des États-Unis la terre d'abondance et de prospérité par excellence. Ne nous rendons pas compte, nous, de la situation de la fin des années 40. Le rationnement en France va durer jusqu'en 1949. Et donc, on a les témoignages des Français qui se rendent aux États-Unis hier. Ils sont stupéfaits de l'abondance totale américaine alors que toute l'Europe de l'Ouest est en situation de pénurie élémentaire dans les repas, dans les chauffages, et ainsi de suite. L'appareil de production britannique n'a pas été atteint par les dévastations de la guerre ou seulement marginalement, mais les finances britanniques ont été saignées à blanc et le grand phénomène financier de l'après-guerre, c'est ce qu'on appelle la pénurie de dollars, le dollar gap, c'est-à-dire que les pays de l'Europe industrielle n'arrivent pas à relancer leur économie parce qu'ils ne peuvent pas se lancer dans des échanges parce que la seule monnaie internationale, c'est le dollar et qu'ils n'ont pas de dollars. Et comme ils n'ont pas de dollars, ils n'arrivent pas à se procurer les moyens de relancer leur économie. De plus, non seulement il y a le dollar gap pour l'Angleterre comme pour le reste de l'Europe, mais il y a les balances sterling, c'est-à-dire la somme de ces crédits dépensés par les Britanniques durant la Seconde Guerre mondiale et que les Britanniques doivent rembourser aux pays de l'Empire ou aux gens du Moyen-Orient. Et l'idée britannique, ce serait de constituer une zone sterling plus ou moins autarcique qui ferait que des échanges en sterling, donc le problème serait réglé. Mais l'économie britannique n'a pas les moyens d'alimenter en produits manufacturés les pays de la zone sterling. Et les rares produits britanniques qui sont capables d'être concurrentiels sur le marché mondial, ils sont vendus aux Américains pour avoir des dollars. Donc la contradiction économique insurmontable, elle doit réserver l'essentiel de ses exportations industrielles aux États-Unis. Alors comprenant que l'indépendance de l'Inde est inévitable dans un délai proche, les stratèges britanniques sont conduits à envisager une réorientation du système impérial sur l'Afrique et sur le Moyen-Orient. Comme cette dernière région ne fait pas partie juridiquement de l'Empire, Londres ne peut qu'exiger de ses différents partenaires internationaux la reconnaissance d'une sorte de doctrine de Monroe faisant du Moyen-Orient une zone d'intérêt britannique exclusif. Les États-Unis de 1945 ne sont pas prêts à admettre cette situation privilégiée. Dans l'ensemble de la région, ils rejettent tout aussi bien les signes honorifiques accordés aux Britanniques, comme par exemple la primauté accordée aux représentants britanniques sur les autres diplomates, que les avantages économiques, comme le contrôle des liaisons aériennes régionales. Il s'ensuit dans le second semestre de 1945 une certaine tension sur ces sujets entre les deux puissances anglo-saxonnes. Pourtant, les Américains sont pris dans un dilemme. Plus le démantèlement de la zone sterling progresse, plus la Grande-Bretagne a besoin pour survivre des prêts en dollars américains. Alors, la personnalité essentielle qui va dominer la politique étrangère britannique dans cette période, c'est Ernest Bevin, qui travaille en étroite collaboration avec Attlee. C'est un ancien leader syndical, profondément hostile au communisme ainsi qu'au pacifisme. Il est devenu ministre du Travail dans le cabinet d'Union nationale de Churchill en 1940 et ça a été l'un des grands organisateurs de l'effort de guerre britannique. Ses origines prolétariennes pouvaient faire craindre le pire à un corps diplomatique issu pour l'essentiel de l'establishment. Mais il fait rapidement la conquête de ses subordonnés par son énergie, ses capacités d'organisation et son anticommunisme. De surcroît, il a appris l'art de la négociation du fait même de ses activités syndicales. Pour les travaillistes, il n'est pas question d'abandonner le système impérial britannique, juste de l'humaniser. Il faut transformer les relations de domination en partenariat entre égaux, puisque la coopération doit bénéficier à toutes les parties. Très tôt, le socialiste Bevin a considéré que le grand tort des politiques précédentes est d'avoir cherché à s'appuyer, je cite, sur les pachas plus que sur les paysans, ce qui passe par le lancement de grands projets de développement dans la continuité de ceux étudiés durant la guerre par le Middle East Supply Center. Comme l'on ne peut pas espérer une progression rapide du niveau de vie des classes populaires, l'enjeu est de démontrer aux classes moyennes, de plus en plus engagées dans l'action politique, que le sens du progrès social va dans une coopération accrue avec les Britanniques. Indépendamment de la montée du nationalisme qui rejette la domination extérieure, la Grande-Bretagne est en situation de quasi-banqueroute et n'a tout simplement pas les moyens économiques de sa politique rêvée. Alors qu'elle dépend étroitement de l'aide américaine pour sa survie quotidienne, elle ne dispose pas de ressources pour se lancer dans de grands projets qu'elle entend proposer à la région. Bevin et Attlee sont convaincus de la nécessité de s'abstenir d'intervenir dans la politique intérieure de leurs partenaires moyen-orientaux. Le temps où les blindés britanniques pouvaient menacer le palais royal égyptien, où celui où on pouvait déposer un Shah d'Iran, est révolu. Mais l'héritage des ingérences britanniques permanentes fait que ces assurances ne sont pas crédibles, d'autant plus que le moindre agissement d'agents sur le terrain est largement considéré comme la preuve de l'existence d'un nouveau complot britannique. Il en est ainsi dans l'affaire syrienne. Si beaucoup de responsables britanniques se félicitent de l'éviction en cours de la France, et même si certains souhaiteraient maintenir une présence militaire britannique dans le Levant, il devient rapidement clair que le départ sans condition des Français n'est pas un pur bénéfice pour leurs compétiteurs. En ayant été conduits à favoriser une indépendance complète des deux États du Levant, les Britanniques ont été contraints d'accepter le principe d'une indépendance sans traité, dangereux précédent pour le reste des États de la région qui veulent tous secouer la domination britannique. On se met à regretter de ne pas avoir trouvé un modus vivendi qui aurait permis une double présence française et britannique, sans se rendre compte que les intéressés exigent un départ de toutes les forces étrangères et pas seulement des forces françaises. Quant à De Gaulle, il compte fermement transformer le désastre syrien en coopération des grandes puissances. Il s'agit des cinq grands du futur Conseil de sécurité, puisque l'ONU, on a son texte, mais il n'a pas encore commencé ses travaux. On est à ce moment-là à l'époque de la conférence de Potsdam, juillet-août 1945, qui est la dernière conférence à laquelle la France ne participe pas. Donc évidemment, pour De Gaulle, c'est une insulte que la France ne soit pas à la conférence de Potsdam. Ce qui explique que De Gaulle va battre front à tous les responsables britanniques durant le second semestre 1945. Il refuse de les rencontrer ou de les décorer pour leur service durant la guerre. Sa rancune est bien exprimée le 4 juin 1945 quand il s'adresse à l'ambassadeur britannique. Nous ne sommes pas, je le reconnais, en mesure de vous faire actuellement la guerre, mais vous avez outragé la France et trahi l'Occident. Cela ne peut être oublié. Lui, il était prêt à déclarer la guerre à la Grande-Bretagne pour le dossier syrien. Quant aux anglo-saxons, ils ne veulent pas d'un rétablissement d'un concert des puissances parce que ça impliquerait un rôle soviétique dans la gestion des affaires de la région. Ils veulent bien des conversations à cinq, mais avec les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, la Syrie et le Liban. Mais strictement pour le Levant, pas pour l'ensemble du Moyen-Orient, alors que ce que De Gaulle demande, c'est l'ensemble du Moyen-Orient. Cela paraît d'autant plus présomptueux que la jeune Ligue des États arabes mène une campagne vigoureuse contre l'action de la France au Levant, mais aussi en Algérie, à cause des événements de Sétif en mai 45. Il est évident qu'on doit mettre en relation les événements de fin mai 45 en Syrie avec les événements de Sétif et le bombardement d'Haïfong, c'est-à-dire ce raidissement colonial du gouvernement provisoire de la République en 1945, après la fin de la guerre en Europe. Le Quai d'Orsay, en voie de reconstitution avec Georges Bidault comme ministre, s'en tient à la ligne plus réaliste de limitation des dégâts. En Syrie, les nationalistes au pouvoir ferment les écoles françaises et suppriment l'enseignement du français à l'école primaire. La colère et le ressentiment permettent d'accélérer l'arabisation des institutions. Beaucoup de collaborateurs à titre divers du mandat français se réfugient dans les États voisins. Les chrétiens vont au Liban, les tcherkesses en Transjordanie, ou circassiens si vous êtes ancienne mode. Comme les 1500 soldats français restants en Syrie sont enfermés dans leurs casernes et que les civils ont été évacués en catastrophe sur le Liban, il ne reste plus rien à préserver dans ce dernier pays. Des troupes spéciales ont été transférées au gouvernement syrien et libanais durant l'été 45 avec liberté d'option. Je vous souviens au passage, c'est-à-dire un certain nombre de soldats français, enfin des troupes spéciales, pouvaient prendre la nationalité française et partir pour la France au lieu de rester sur place, ce qui fait que quelques militaires libanais et syriens ont fait carrière à leurs enfants dans l'armée française jusqu'à une date récente. C'était pas des gens très nombreux, mais qui avaient opté pour la France au moment du transfert des troupes spéciales du Levant aux États en question. En Syrie, la force de 20 000 hommes destinée à former la nouvelle armée syrienne s'est désagrégée à la suite des multiples désertions, alors que les nationalistes se méfient d'une institution restée presque jusqu'au bout du côté de la puissance mandataire. Ce sera un des facteurs de la faiblesse syrienne en 1948 dans la guerre contre Israël, c'est que les nationalistes n'avaient aucune confiance dans l'armée syrienne, puisqu'elle était un reliquat du mandat. En revanche, la transition se passe en bon ordre au Liban. Avec la fin de l'état de guerre, après la capitulation du Japon, les gouvernements syriens et libanais sont en droit d'exiger le départ de toutes les forces étrangères, ce qui est déjà en soi une consolation pour les Français. Pourtant, la diplomatie française tente une dernière manœuvre destinée à maintenir des troupes françaises au nom de la protection des minorités chrétiennes et musulmanes. Bien évidemment, les Britanniques refusent, tout en assurant qu'ils laisseront la priorité aux Français en matière financière, c'est-à-dire la Syrie et le Liban resteront dans la zone franc, et soutiendront la demande française de garantie pour leurs établissements d'enseignement. De Gaulle exprime son mécontentement de voir les diplomates français accepter le principe du retrait simultané. Ce serait justifier leur intervention brutale et livrer la Syrie aux Anglais qui restent en force à Jérusalem et Mossoul. Pour lui, il faut conditionner le retrait des troupes françaises au retrait des troupes britanniques dans tous les pays arabes, ce qu'il sait être parfaitement invraisemblable. L'inconvénient d'une telle formule est de ne pas permettre le retrait des troupes. Quant aux Britanniques soucieux de la stabilité de l'ensemble de la région, ils considèrent qu'un retrait unilatéral de leurs troupes donnerait le signal de nouveaux troubles. Les sionistes font des offres de service aux Français. Ils sont prêts à offrir leur puissance financière et leur capacité d'influence au service de la France contre l'abandon d'une politique musulmane hostile aux sionistes. Les soviétiques ont d'abord accepté l'idée d'une conférence à cinq pour résoudre la crise, puis se pose en défenseur des intérêts syriens et arabes. Bien évidemment, les Britanniques ne peuvent accepter une participation soviétique. Alors, la diplomatie française va tenter une sortie en proposant que la France se voit attribuer une base militaire dans la région de Tripoli au Liban, à proximité des régions alaouites syriennes, dans le cadre de la sécurité collective prévue par les Nations Unies. Et sur cette base, une négociation a lieu avec les Britanniques qui se conclut le 13 décembre. Des troupes des deux pays doivent évacuer la Syrie simultanément, selon des principes à définir ultérieurement, et des consultations doivent avoir lieu entre les deux gouvernements pour éviter le renouvellement des crises. Les deux gouvernements s'engagent à agir conjointement pour favoriser la prospérité économique des peuples de cette région, dans la paix et la sécurité. La Grande-Bretagne s'engage à ne pas remettre en cause la position de la France en Syrie ou Liban. Donc l'accord du 13 décembre comporte cette clause essentielle. Les deux gouvernements affirment leur intention de ne rien entreprendre pour se substituer aux intérêts qu'ils possèdent ou aux responsabilités qu'ils se reconnaissent mutuellement dans le Moyen-Orient compte tenu du statut politique des pays en cause. En clair, les Britanniques ne remettent pas en cause la présence française ou la prééminence française en Syrie et au Liban. Et en fait, ils vont se tenir à cette ligne pendant au moins tout le gouvernement travailliste. Mais les Français ne vont jamais le croire. Très rapidement, on se heurte à une difficulté majeure. Les Français ne veulent pas d'un retrait des troupes britanniques sur le Liban, où se trouveraient plusieurs fois supérieurs en nombre aux troupes françaises. Ils demandent leur évacuation par la Palestine, tandis que les troupes françaises conserveraient leur position au Liban. De Gaulle voit toujours un but britannique d'éliminer la présence française au Proche-Orient. Il plaide pour une politique de fermeté, mais il sent qu'il n'est pas suivi dans cette voie par son gouvernement et sa diplomatie. Cette affaire, ajoutée aux autres, le conduit à sa démission du 20 janvier 1946. Si on lit attentivement les mémoires de guerre, on voit que l'une des raisons essentielles de la première démission de De Gaulle, c'est la question syrienne. Le dossier syrien constitue un élément substantiel des mémoires de guerre rédigées dans les années 50. De loin, c'est le premier sujet traité. Ce qui montre l'importance que le général a accordée à ce dossier durant toute la Seconde Guerre mondiale. Et dans les mémoires de guerre, il n'hésite pas à faire des notations anachroniques. Je cite « Quant à la suite, je ne doutais pas que l'agitation soutenue au Levant par nos anciens alliés déferlerait dans tout l'Orient contre ces apprentis sorciers et que, au total, les anglo-saxons paieront cher un jour ou l'autre l'opération qu'ils y avaient menée contre la France. » Dans les documents de l'époque, ces genres d'idées n'existent pas. De Gaulle apparaît surtout comme un ferveur défenseur d'une politique de grandeur, arc-boutée sur l'empire colonial, alors que l'opinion générale du Quai d'Orsay est de voir dans le Levant, je cite, « une propriété de grand luxe dont la France n'a plus les moyens d'entretenir les frais ». Après son départ, les diplomaties françaises et britanniques s'entendent pour maintenir à niveau égal les effectifs de leurs troupes stationnées au Liban après l'évacuation de la Syrie. Les Syriens et les Libanais s'impatientent et saisissent le Conseil de sécurité de la toute nouvelle ONU en février 1946, sans indiquer de qualification juridique autre que le contenu de la charte, ce qui ne permet pas aux franco-britanniques de poser un veto préalable. Les Syriens et les Libanais exigent un retrait inconditionnel de toutes les troupes étrangères, ce qui chagrine un peu les Britanniques de se voir mis au même rang que les Français, et ruine toute la stratégie française d'avoir recours à l'organisation internationale pour légitimer une permanence de la présence militaire française. Les Américains soutiennent la demande d'évacuation et le Conseil de sécurité s'oriente vers une formule de compromis d'une évacuation à la suite de pourparlers entre les intéressés. Elle se heurte au veto soviétique qui défend la revendication du retrait inconditionnel. Les discussions finales ont lieu à Paris avec une délégation libanaise pour fixer les derniers délais de l'évacuation. Un échange de notes entre les gouvernements français et libanais le 23 mars 1946 sert de règlement final. La première partie est réalisée le 17 avril 1946 avec la fin de l'évacuation des troupes des deux pays de la Syrie. Ce jour deviendra une fête nationale en Syrie. On appelait ça à l'époque, enfin quand j'étais en Syrie, on appelait ça le jour des Français et on venait vous féliciter. Alors que j'ai mis du temps à comprendre qu'on célébrait le départ des troupes françaises. Et au Liban, des dernières troupes étrangères quitteront effectivement le pays des Cèdres le 31 décembre 1946. Donc la fête nationale syrienne sera le 17 avril, tandis que la libanaise, c'est le 23 novembre 1943. Si le ressentiment syrien s'exerce au détriment de la francophonie syrienne par une politique agressive d'arabisation, en particulier en matière scolaire, ce n'est pas le cas au Liban. Les États du Levant conservent les intérêts au commun hérités du mandat, c'est-à-dire donc une union douanière, et restent dans la zone franc, ce qui permet le maintien d'une forte présence économique française. Si les gouvernements français et britanniques oublient rapidement cette affaire syrienne du fait de l'entrée dans la guerre froide, les hommes de terrain vont continuer pendant longtemps une petite guerre plus ou moins personnelle. Quelques Britanniques se poseront ainsi en héritiers de Lawrence et agiront dans le sens d'une politique destinée à établir une influence de leur pays en Syrie, suscitant une méfiance réunissant paradoxalement les ennemis d'hier, les Français et les nationalistes arabes. Certains responsables français organiseront ce qu'on peut appeler des coups tordus pour se venger de juin 45 en accordant un soutien, y compris matériel, à des ennemis de la Grande-Bretagne, qu'ils soient sionistes ou arabes. Donc on va livrer des armes aussi bien aux uns aux autres parce que les uns et les autres tapent sur les Britanniques. C'est des histoires de service. On ne sait pas à quel niveau la décision est prise dans le gouvernement, même si le gouvernement en est informé, ce qui peut être douteux. Londres aura beau multiplier des démentis, la présence d'anciens agents britanniques comme conseillers ou comme résidents sur place suffira à entretenir une méfiance qui tournera à la paranoïa. La rancœur provoquée par ces événements va durer au moins jusqu'à la crise de Suez en 1956. Et c'est tout un problème, puisque, comme je le dis, les Français sont persuadés de voir à toutes les étapes des complots britanniques. Et donc, maintenant, vous avez des tas d'historiens qui prennent au pied à la lettre les indications des archives françaises. Et en même temps, les nationalistes arabes voient aussi des complots britanniques, on le verra un peu partout. Alors qu'on ne trouve rien dans les archives britanniques. Et donc, il faut simplement voir que le complotisme est une maladie généralisée. Alors maintenant, nous allons changer de sujet, de zone géographique, en étudiant la crise iranienne. Vous savez, il y a toujours une crise en Syrie, en Iran, en Irak, enfin bon. Il y a toujours une crise là-bas. Alors, ce qui a poussé les diplomaties françaises et britanniques à se rapprocher en dépit de l'affrontement est, bien entendu, les affaires européennes. Le président Truman avait marqué dès la fin des hostilités sa volonté de réduire drastiquement la présence militaire américaine en Europe, tandis que les prodromes de la guerre froide commencent à émerger en Iran et en Turquie. Si la situation en Syrie ou au Liban avait une nette importance, c'était aussi comme précédent pour la question d'évacuation des troupes étrangères. Car si les Français et les Anglais acceptent d'évacuer le Liban et la Syrie, c'est pour forcer les Soviétiques à évacuer l'Iran, puisque depuis 1941, le nord de l'Iran est occupé par les troupes soviétiques. Alors la double occupation, alors, il y avait trois armées, enfin donc il y avait les Britanniques étaient dans le sud de l'Iran, les Soviétiques étaient dans le nord de l'Iran depuis 1941, et au centre vous aviez le corridor persan avec les Américains. Et donc les Américains, ils étaient prêts à partir, ils voulaient pas que partir, mais les autres, ils traînent les pieds. Alors on voit donc dans l'affaire iranienne la réapparition du grand jeu du 19e siècle qui opposait la Grande-Bretagne à la Russie, d'autant plus que la répartition des zones d'occupation britanniques et soviétiques reprenait l'accord de 1907 entre la Russie tsariste et la Grande-Bretagne. Dans les régions qui sont sous leur contrôle, les Soviétiques encouragent un séparatisme tendant à la constitution d'un Azerbaïdjan du Sud, qui pourrait être un jour éventuellement rattaché à l'Azerbaïdjan soviétique, et un Kurdistan autonome qui pourrait être un instrument de pénétration au Moyen-Orient. Il favorise l'utilisation publique du turc azéri et du kurde, qui avait été très limité sous le premier Shah Reza Pahlavi. Ils encouragent bien évidemment les éléments de gauche qui leur sont plus ou moins affiliés. En Azerbaïdjan, la relation est ancienne du fait de la brève occupation soviétique du début des années 20 et de l'exil en Union soviétique de leurs anciens partisans, ceux qui n'ont pas été liquidés physiquement lors des purges staliniennes, reviennent avec l'armée rouge. L'Azerbaïdjan soviétique joue ainsi un rôle à la fois de relais du pouvoir central et d'instigateur d'une vision politique pan-azérie. Là, c'est une question compliquée d'interprétation, parce que maintenant, on commence à avoir accès à un certain nombre de sources soviétiques qui n'étaient évidemment pas connues il y a quelques années, avant 1990. Donc on se rend compte à la fois évidemment de la centralisation du pouvoir autour de Staline, rien n'est décidé sans son accord, mais en même temps dans toutes ces affaires turques et iraniennes, un rôle très important des républiques caucasiennes de l'Union soviétique, la Géorgie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan, ce qu'on avait largement sous-estimé à l'époque de la guerre froide. En revanche, les Kurdes, qui n'ont ni ce passé ni ces relais, sont plus des alliés de Moscou que des acteurs du mouvement internationaliste. Enfin, en Iran même, l'Union soviétique soutient la création du Parti des Minces, le Toudai, qui recrute surtout dans les milieux intellectuels de l'ensemble de l'Iran. Il faut bien comprendre aussi que les grandes victoires militaires soviétiques à partir de Stalingrad ont donné un immense prestige à l'Union soviétique, aussi bien en Europe, dans le monde, qu'en Proche-Orient. La vie politique iranienne connaît paradoxalement l'une de ses plus grandes périodes de liberté. Les notables se divisent en plusieurs factions ou partis rivaux qui sont en compétition pour le pouvoir, tandis que le Shah travaille à rétablir son contrôle sur l'armée, à un moment où il a largement perdu le contrôle des nominations dans l'administration. L'instabilité ministérielle est de règle avec les ingérences étrangères, les tensions sociales, les mouvements d'autonomie ethnique et les ambitions personnelles. La plus forte personnalité est celle de Qawam al-Saltaneh, 1873-1955, que l'on soupçonne de vouloir établir une république dont il serait le président. Beaucoup de ces notables ont reçu une formation universitaire occidentale, mais on trouve encore des chefs de tribu. La classe politique, même ceux qui ont servi sous Reza Shah, a été pour une très grande part formée lors de la période dite constitutionnelle et rejette toute idée de retour à l'autocratie centralisatrice. Tout à fait logiquement, les Britanniques, qui n'ont plus les ambitions impériales de jadis, ont tendance à appuyer le gouvernement de Téhéran et le nouveau Shah, bien qu'il méprise profondément la classe politique iranienne. Ils sont maintenant les partisans affirmés du maintien de l'intégrité territoriale de l'Iran, mais leur passé les fait toujours soupçonner de noirs desseins par les Iraniens. Les Américains apparaissent désintéressés avec leur corridor persan qui participe largement à l'amélioration des infrastructures de transport et à leur mission d'aide à la réorganisation des finances de la gendarmerie et de l'armée. Pour mémoire, celui qui avait été chargé de la réorganisation de la gendarmerie était un certain général Tchorskov, qui avait été un policier, qui avait fait l'affaire Lindbergh et qui est le père de Norman Schwarzkopf de la guerre de 1990-91. Donc, quand il s'est retrouvé en pays de connaissance, il avait passé son enfance là-bas. Comme partout ailleurs, la loi Prêt-Bail accordée à l'Iran en mai 1942 contribue à la popularité des Américains. Assez classiquement, les notables et le Shah veulent jouer la carte américaine contre les occupants soviétiques et britanniques. C'est ce que j'appellerais la règle de trois de la politique moyenne-orientale. Si on est l'enjeu d'un antagonisme entre deux puissances, on va chercher une troisième puissance pour les contrer. Alors que les soviétiques se sont lancés dans des études exploratoires sur le potentiel pétrolier qui pourrait contenir les régions sous leur contrôle, le gouvernement iranien propose aux Américains des concessions pétrolières dans le sud de l'Iran, ce qui provoque la colère des occupants du Nord, qui exigent à leur tour des concessions. Les Britanniques s'indignent de leur côté de voir leurs cousins américains empiéter dans ce qu'ils considèrent comme leur domaine réservé et poussent l'anglo-iranienne à entrer en compétition sur les concessions. Du coup, avec prudence, le gouvernement iranien décide de suspendre toute négociation pétrolière durant la durée de la guerre, ce qui provoque de violentes protestations soviétiques. Ces derniers encouragent les mouvements régionalistes dans les zones sous occupation et freinent l'établissement du pouvoir central. En Iran même, l'homme politique important en dehors de Qawam al-Sultanat et qui monte, c'est le docteur Mossadegh, issu de l'aristocratie Qadjar, mais très populaire dans les classes moyennes et qui fait campagne pour un strict non-alignement de l'Iran avec le refus catégorique d'accorder aux uns et aux autres la moindre concession économique. Son hostilité à la monarchie pousse Mossadegh à demander le démantèlement de l'armée, pilier de la nouvelle dynastie. À la conférence de Yalta, les soviétiques font la sourde oreille à la proposition d'un retrait simultané des forces d'occupation après la fin du conflit, contrairement aux engagements pris. La question des concessions pétrolières est évoquée. Les anglo-américains n'ont pas d'objection à ce que les soviétiques obtiennent des concessions si les iraniens donnent leur accord. Les intéressés ne peuvent mettre sur le même plan une compagnie d'État soviétique et des compagnies privées anglo-américaines. D'ailleurs, on ne voit pas comment les soviétiques pourraient engager les investissements nécessaires et payer leur redevance. Ils n'ont pas de ressources en devises ni de marchandises à troquer. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le 19 décembre 2018 l'historien Henri Laurence, Les crises d'Orient, l'hégémonie britannique 1926-1956, aujourd'hui l'indépendance de la Syrie et du Liban et la crise iranienne de 1945. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours d'Henri Laurence. L'historien a notamment publié Les Orientales aux éditions du CNRS et je rappelle son livre en deux tomes, Les Crises d'Orient, publié chez Fayard. Le premier tome, Questions d'Orient et Grands Jeux, 1768-1914 en 2017 et prochainement le tome 2 de ces Crises d'Orient sous le titre La naissance du Moyen-Orient, 1914-1949. Iconographie web, Claire Consignon. Réalisation, Laurélane Planchet. Présentation, Meryl Moneghetti. Demain, nous poursuivrons notre exploration des crises d'Orient du côté de la guerre froide en compagnie d'Henri Laurence. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Je vous souhaite une agréable journée à l'écoute de France Culture.